C'est un micro. Si on parle, ça va te voir. Oh non! Bah non. Ça marche pas haute voix. On n'entend pas dans tout. Tu m'as En fait, ça s'enregistre là-dedans.